Je sais pas. Par contre, non, j'ai pas. Enfin, la latence, ça vient du. Il n'y a pas de latence quand tu Bah parles. en fait, j'ai le casque sur l'entrée microphone. Bah si, parce que je te parle, puis t'as, j'ai la réponse 3 secondes plus tard. Ouais, mais t'entends l'écho? Moi là, quand je te parle, il me met une mesure. Il y a une mesure qui se passe et après je Non, l'entends. j'entends la réponse avec un décalage. Ah, c'est bizarre ça. Alors, je parle à 1, 16, 2, 16, 3, 16, 4, 16, 6, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attends, je vais faire un truc. Alors, tu devrais entendre ta. Vas-y, parle, je vais pas 16. répondre. Regarde comment il 5, fonctionne. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coucou. T'entends dans le micro les retours? Oh, il y a plein de décalages. Ah, mais ça, le décalage, c'est Ouais, la c'est mesure. clair. Ah. Ouais, j'entends. En fait, il faut une mesure dans la gueule à chaque fois. C'est-à-dire que j'entends la mesure et après, toi, une fois que j'ai enregistré, tu l'entends. Ouais, il y a 16 mesures de décalage. Ben, il met combien là? Ouais, il y a 16. Enfin non, il y a... Il y a 4 mesures. Il y a 4 mesures en fait de Ouais, décalage. c'est ça. C'est 16 temps, Ouais, 16 16 temps. noirs, Ouais, 16 4 noirs. mesures. Ouais. Et il enregistre et tu t'enregistres dessus, après il se colle. De toute façon, ça se voit parce que dès que quand tu te connectes... Au serveur, il attend 4 mesures avant de Quand tu te te. connectes de toute façon à InJam, pendant les 16 premiers temps, t'entends rien en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est en train de récupérer ce que les autres font pour te l'envoyer à toi. Tout à fait. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, y en a un décalage. Ouais, c'est ça. On a un tour de décalage. Ouais. À chaque fois, on a un tour. Ouais. Il te met 4 mesures et il fait décaler le truc, et ainsi de suite. Salopard. Attends, je baisse le volume, tu m'as cassé les oreilles. Tu m'as cassé les oreilles. Non, mais c'est. Et vas-y, rebranche ta guitare, voir là. Merci.